Le barbier de Séville. 14 ans avant que n'éclate la Révolution française, en 1775 donc, Beaumarchais fait jouer pour la première fois, par la Comédie-Française, Le barbier de Séville, dans sa version définitive que je me propose de vous présenter maintenant.